Cydalise, Montès et Madame Nourrisson montèrent dans un fiacre qui stationnait à la porte de Carabine. Madame Nourrisson indiqua tout bas au cocher une maison du pâté des Italiens où l'on serait arrivé dans quelques instants. Car de la rue Saint-Georges, la distance est de 7 à 8 minutes, mais Madame Nourrisson ordonna de prendre par la rue Lepelletier et d'aller très lentement, de manière à passer en revue les équipages stationnés. « Brésilien, dit la nourrisson, vois à reconnaître les gens et la voiture de ton ange. » Le baron montra du doigt l'équipage de Valérie au moment où le fiacre passa devant. Elle a dit à ses gens de venir à 10 heures, et elle s'est fait conduire en fiacre, à la maison où elle est avec le comte Steinbock. Elle y a dîné, et elle viendra dans une demi-heure à l'opéra. C'est bien travaillé, dit Madame Nourrisson. Cela t'explique comment elle peut avoir attrapé si longtemps. Le Brésilien ne répondit pas. Métamorphosé en tigre, il avait repris le sang-froid imperturbable tant admiré pendant le dîner. Enfin, il était calme comme un failli, le lendemain du bilan déposé. À la porte de la fatale maison, stationnait une citadine à 2 chevaux, de celle qui s'appelle Compagnie Générale, du nom de l'entreprise. « Reste dans ta boîte, » dit Madame Nourrisson à Montès. « On n'entre pas ici comme dans un estaminet. On viendra vous chercher. »